tous les quartiers, on raconte qu'il y a une maison hantée. Moi dans mon quartier, c'est la maison du boucher. On raconte que dans le sous-sol se passent des choses folles. Oui, on raconte que dans le sous-sol se passent des choses folles. Une momie en train de se faire cuire une routine. Cruella en train de se faire un croissant au Nutella. Une sorcière en train de se faire réchauffer de la tourtière. Dracula encore en train de se faire un croissant Nutella. C'est le déjeuner. Du sol de la part. C'est le déjeuner. Se faire une salade de radis. Un gnome en train de se faire un bon bol de Honeco. Un ange déchu en train de se faire du jus d'orange. Une autre sorcière en train de se faire réchauffer de la tourtière. C'est le déjeuner. Coquerel, moi et mon nom c'est Joël Martel. Des termites, des coquerelles, moi et mon nom c'est Joël Martel. C'est le déjeuner. Soir de la fin. C'est le déjeuner.